avec tout le perso, me canalise. Je fais pas les bises, moi, je fais pas la mise. Les mensonges sont partout, je suis dans le bise. Hey. J'ai rêvé que j'ai m'envolé, j'ai rêvé que j'ai tout donné. Toi, tu me parles de m'abandonner, mais je suis déjà passé à autre chose. Et tout arrive à t'apigeonner, que des billets pour la consoler. Puis tout arrive à t'apigeonner, il est à forcer à zoner. Hey, hey, et tu donnes, hey, hey, et tu vois, hey, hey, tu t'isoles. Hey, hey, et j'ai tout gagné, tu peux pas nier, tout gagné, tu peux pas nier. Ouais, y'a plus personne dans le barrio, dans le barrio. Et j'ai tout gagné, tu peux pas nier. Y'a plus personne dans le quartier, je suis venu pour prendre des millions. Je m'en bats les couilles que tu sois mignon. Je suis pas ta petite sœur que tu parles mal, toi tu pleures pour elle que tu me fais le mac. Je suis pas ta petite sœur que tu parles mal, toi tu pleures pour elle que tu me fais le mac. Je suis pas ta petite sœur. Ah, avec moi tu fais le grand, mais devant elle tu pleures. Devant elle tu pleures, devant elle tu pleures. Je te demande pas le respect, je le prends. Et si t'attends le mien, j'espère que t'es patient. Tous méritent ma loi et mes fiantes. Ma réussite ne peut être qu'évidente. Et tu donnes, et tu vois, tu t'isoles. Et j'ai tout gagné, tu peux pas nier. Tout gagné, tu peux pas nier. Ouais, y'a plus personne dans le barrio, dans le barrio. Et j'ai tout gagné, tu peux pas nier. Y'a plus personne dans le quartier. Je suis venu pour prendre des millions. Je m'en bats les couilles que tu sois mignon. Je suis pas ta petite sœur que tu parles mal. Toi tu pleures pour elle que tu me fais le mal. Je suis pas ta petite sœur que tu parles mal. Toi tu pleures pour elle que tu me fais le mal. Mais t'as tout donné, t'as tout volé. T'as pardonné, pas abandonné. J'suis souvent mal luné, j'ai des projets lunaires. J'veux être fortuné même si faut t'allumer. Et je m'en fous de tes valises. C'est plus dans le froid que je vais passer l'hiver. J'ai beaucoup donné, je vais m'améliorer. J'suis bien entouré, bien accompagné. T'as fait mes doués, t'as tout soutiré. Avec elle au bout du monde, même sans soutirer.